بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On avait pris comme habitude de faire suivre le cours sur les leçons importantes par une série de rappels sur les nobles caractères, dans lesquels on parlait de la réforme du cœur, des actes intérieurs, le cœur, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de purifier son cœur, de purifier son intérieur, le fait de chercher à faire preuve de modestie, à s'éloigner de l'orgueil, de également d'apprendre la connaissance, de chercher la connaissance, l'apprentissage de la connaissance, de la vérité, et de nombreux autres sujets concernant ce domaine-là. Et aujourd'hui, on va un peu déroger à la règle. Et on va parler d'un sujet qui est très important, surtout à notre époque. Et la cause de ce changement, c'est ce que l'on peut entendre de temps à autre, malheureusement trop souvent, par des gens qui se présentent à la communauté pour parler du sort de cette communauté et pour parler de la manière que les membres de cette communauté, les musulmans, doivent se comporter dans leur vie et également concernant ce qui se passe dans le monde. Et il n'est caché pour personne ce qui se passe actuellement dans le monde comme trouble, qui touche en premier lieu les musulmans, les troubles, les dissensions, les guerres, les conflits, les rébellions, les manifestations, et ainsi de suite. Parmi ces gens-là, il y en a qui sont plus acharnés que d'autres. Et parmi ces gens-là, il en est qui sont plus ignorants que d'autres. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet en particulier, et je ne vais pas parler ni m'arrêter sur une personne en particulier. Et la personne qui a été la cause, le prédicateur qui a été la cause de cette conférence-là, du fait de ses propos, on aura l'occasion de le mettre à nu, Inch'Allah ta'ala. Et on aura l'occasion de montrer, Inch'Allah ta'ala, en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cette personne-là est un imposteur qui cherche à orienter la communauté musulmane vers un terrain plus que glissant. Également, on aura l'occasion, bi'idhnillah, en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre en garde les musulmans contre cette personne-là. Mais aujourd'hui, donc, on va parler d'un sujet parmi les sujets soulevés par ce type d'individu afin d'établir la vérité dans cela. Ce sujet-là, il est intitulé « Comment est désigné un gouverneur en islam ?» Comment est désigné un gouverneur en islam ? Et c'est un sujet qui est très important, et du fait de son importance, et du caractère délicat du fait de parler, de traiter de ces choses-là, j'ai choisi de vous résumer une conférence qui a été mise à l'écrit du Cheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan. Cette conférence qui s'appelle « Al-I'lam bi kayfiyati tansib al-imam fil-islam ». qui a été suivi donc par une série de questions-réponses sur le sujet. Et dans ces sujets-là, il convient de revenir aux ulama, de revenir aux ulama et d'être très prudent lorsque nous nous prononçons dans ces sujets-là. Donc, comme je l'ai dit, j'insiste sur cela, c'est un résumé. C'est un résumé, je vais essayer donc de vous résumer les points importants qui ont été cités par le Cheikh Saleh Al-Fawzan, et j'incite les arabophones à revenir à cette conférence qui est présente en audio sur son site, également qui est présente à l'écrit qui a été retranscrite et qui a été publiée par Mouassessat Da'wa Al-Khayriya. Jazahumullahu khayra. Le Cheikh a commencé par mentionner l'importance de ce sujet. L'importance du sujet de l'imam. L'imama. Terme donc qui existe en arabe. Et également qui trouve son équivalent en français. Et il a également attiré l'attention vers le fait qu'il n'y a pas de vie décente sans qu'il n'y ait un groupe uni sur la vérité. Sans qu'il n'y ait un groupe qui soit uni sur la vérité. Al-Jama'a. Quand on parle d'Al-Jama'a, c'est le groupe qui est uni sur la vérité. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, il a incité à l'union et à l'harmonie sur la vérité. Il a incité à cette chose-là, il a ordonné d'être uni et en harmonie sur la vérité. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères en islam. Et il a également dit, subhanahu wa ta'ala, « Wa la takounu kallazina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à discuter après que les preuves leur furent venues, et cela auront un énorme châtiment. Et il a également dit, subhanahu wa ta'ala, dans sourate Al-Anfal, وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Et obéissez à Allah et obéissez à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez vos forces, et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Et il faut savoir que cet ordre-là, il ne peut être concrétisé et il ne peut être mis en application sans imam, sans qu'il n'y ait un gouverneur. Et cela, l'imam, le fait qu'il y ait un gouverneur, ça ne peut être sans qu'il y ait l'écoute et l'obéissance à ce gouverneur. Ce qu'on appelle « as-sam' wa-ta'a », l'écoute au gouverneur, et en plus du fait d'écouter, obéir. As-sam' wa-ta'a. C'est à partir de là donc qu'on comprend l'obligation de désigner un imam et les bienfaits et intérêts généraux que cela contient. C'est une obligation religieuse et ça contient énormément de bienfaits et d'intérêts généraux qui concernent tout le monde. C'est pour cela que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils se sont empressés de désigner un imam avant même de préparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit enterré. Car ils savaient, du fait de la grande compréhension qu'ils avaient de la religion, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, ils savaient que le fait de passer pour la communauté musulmane, le fait que la communauté musulmane soit ne serait-ce que l'espace de quelques instants sans gouverneur, ça allait être une source de maux profonds et nombreux. C'est pour cela qu'ils se sont empressés, avant même de préparer la dépouille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'ils soient enterrés, ils se sont empressés donc de désigner un imam, un gouverneur. Et c'est ainsi donc qu'ils ont désigné Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. Cela nous amène à un point important. Quels sont les moyens par lesquels se concrétise la désignation du gouverneur? Quels sont les moyens légiférés et légitimés par la religion pour que soit désigné un gouverneur? Il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens. Il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens. Il y a le fait que les gens aptes à décider prêtent allégeance à une personne musulmane. Elles lui prêtent allégeance et elles le choisissent donc comme gouverneur des musulmans. Et ça a été le cas donc avec Abu Bakr al-Siddiq, qui a été désigné donc par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième des moyens par lesquels se concrétise la désignation du gouverneur, c'est que l'imam qui est en place, le gouverneur qui est en place, il désigne lui-même celui qui va lui succéder. Il désigne lui-même celui qui va lui succéder. Et ça a été le cas d'Abu Bakr avec Omar. Abu Bakr donc a désigné Omar comme étant son successeur. C'est donc là une manière et un moyen légiféré et légitime de désigner un gouverneur. Le troisième moyen, c'est que l'imam qui est en place délègue un groupe de gens aptes à décider, ce qu'on appelle Ahlul al-Hal wal-Aqd. Ahlul al-Hal wal-Aqd. C'est pas tout un chacun. C'est les gens qui sont aptes à décider, qui sont dotés d'une connaissance et qui sont également connus pour leur raison et pour leur expérience, qui sont délégués par l'imam en place afin de décider et de choisir un gouverneur. Et c'est ce qu'a fait Omar, radiyallahu anhu, qui a délégué les 6 restants parmi les 10 promis au paradis. Il les a délégués pour choisir, à savoir Othman, Ali, Talha, Az-Zubayr, Abdurrahman ibn Auf et Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée. Omar, radiyallahu anhu, leur a délégué la responsabilité de choisir celui qui allait lui succéder. Et c'est ainsi qu'ils ont choisi donc le meilleur d'entre eux, à savoir Uthman, radiyallahu anhu, pour succéder à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. La quatrième manière, le quatrième moyen par lequel va se concrétiser la désignation du gouverneur, c'est une prise du pouvoir par la force. C'est-à-dire qu'un musulman, il prenne le pouvoir par la force, jusqu'à ce que les gens se soumettent à son ordre. Jusqu'à ce que les gens se soumettent à son ordre. Et qu'il devienne donc le gouverneur en place, l'imam en place. Et ça a été le cas donc de Abdelmalik ibn Marwan, qui faisait partie donc de la deuxième génération de l'islam, parmi les tabi'in. Et qui a été considéré donc par la suite comme étant gouverneur légitime, dont l'obéissance était obligatoire. Dont l'obéissance était obligatoire en tant que gouverneur, donc musulman. Et il faut savoir que tous ces moyens-là, qui ont été cités, ils sont donc légitimes. Ils sont donc légitimes. Le dernier qu'on vient de citer, la démarche à la base n'est pas tout le temps forcément légitime. Na'am. Par contre, si ça en arrive au fait que la personne prend le pouvoir, alors à ce moment-là, afin de préserver la sécurité et le bien-être de la communauté, l'obéissance est due à ce gouverneur-là. Sans regarder si sa démarche à lui, à la base, a été légitime ou pas. Du fait qu'il soit devenu gouverneur, et qu'il n'est musulman bien sûr, ça rend son obligation, son obéissance, dans le bien sûr, comme on va le voir dans le convenable, comme étant obligatoire. Et ces quatre moyens-là, qui ont été cités, ils reviennent en réalité à la décision des hommes décisionnaires. À nouveau donc, Ahlu al-Hal wa al-Aqd. Capable, apte de décider. Et également donc du fait de consulter ces derniers-là. Ces hommes-là décisionnaires. Quant au reste des musulmans, le choix de ces hommes décisionnaires-là leur incombe. Et il leur est obligatoire d'écouter le gouverneur choisi et de lui obéir. Il leur est obligatoire d'écouter le gouverneur choisi et de lui obéir, bien sûr, dans le convenable. Pas dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala. Et cette chose-là donc, n'est donc pas laissée à la vie de tout un chacun. Et à partir de là, tu vois le caractère illicite et illégitime des élections dans l'islam. Et que cette méthode-là, ce moyen-là, n'est pas un moyen islamiquement légitime. Et en vérité, si tu analyses un tant soit peu la question, tu te rendras compte que c'est quelque chose qui a été importé des pays occidentaux vers les pays musulmans et que ça n'a aucune source dans l'islam. D'autant plus que tu peux rajouter, en plus de ce méfait-là que nous venons de citer, à savoir le fait que tout un chacun vient participer et vient donner son avis, l'instruit et celui qui ne l'est pas, la personne intelligente et la personne bête, la personne responsable et celle qui est irresponsable. Tout un chacun vient et donne son avis. Et ce n'est pas une manière légitime, islamiquement parlant, de désigner un gouverneur. Rajoute à cela la triche que tu peux trouver et de nombreux autres méfaits qui sont inhérents aux élections. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, les élections ne peuvent pas se séparer de ces méfaits-là. Une fois le gouverneur désigné, il est important de connaître les droits qui sont dus à ce gouverneur. Ce qui nous amène donc à cette question-là, à savoir les droits obligatoires que les gouvernés doivent à leur gouverneur. Les droits obligatoires que les gouvernés doivent à leur gouverneur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate An-Nisa, Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u al-rasul, wa uli al-amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux parmi vous qui détiennent l'ordre. Et à ceux parmi vous qui détiennent l'ordre. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Ali que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait l'obéissance n'est due que dans le bien, c'est-à-dire dans le convenable. Également dans le même hadith, dans une autre partie de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pas d'obéissance dans la désobéissance au Créateur. Pas d'obéissance dans la désobéissance au Créateur. C'est-à-dire que cette obéissance qui est due au gouverneur musulman, elle n'est due que dans le bien et dans ce qui est convenable. Mais si jamais il ordonne une désobéissance, alors il ne doit pas être obéi dans cela. Conformément donc à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'écoute et l'obéissance sont également dues si le gouverneur se rend coupable d'actes d'injustice ou de désobéissance. Tant que cela ne le fait pas sortir de l'islam. En effet, son obéissance reste obligatoire afin de préserver l'unité des rangs des musulmans. Et tout cela revient à opter pour le moins pire de deux méfaits, dans le but d'en écarter le plus grand. Lorsque tu as deux méfaits qui se présentent à toi, tu optes pour le moins pire des deux, le moins grave des deux, le moins prononcé des deux, afin d'écarter le pire des deux. Naam, là c'est pareil. Tu endures face à l'éventuelle injustice. Naam. Dans quel but? Dans le but d'écarter le plus grand des deux préjudices. À savoir le désordre qui pourrait régner au sein des rangs des musulmans. Et cela est conforme aux ordres prophétiques. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait l'écoute et l'obéissance, il disait même s'il vient qu'il fouette ton dos et qu'il prend ton argent, écoute et obéis. C'est là la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il y a de l'injustice, contrairement donc à ce qu'on vient propager, parfois, trop souvent, et que tu trouves donc ces gens-là, notamment celui auquel j'ai fait référence tout à l'heure, ou allusion, qui viennent soulever tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le monde musulman, et qui en font une cause qui légitimerait, selon leur compréhension erronée, qui légitimerait le fait de se rebeller contre les gouverneurs, de sortir contre eux, de manifester, sous prétexte que, soi-disant selon eux, ils n'ont pas le droit qu'ils méritent. Nous répondons, s'il y avait plus que ça, si jamais les gouverneurs, en plus, si jamais les gouverneurs, vraiment, ne donnaient pas le droit que le peuple mérite, et si en plus de ça est rajouté l'injustice, et qu'ils rajoutaient à ça le fait de prendre illégitimement le bien des musulmans, tant que le gouverneur est musulman, il ne t'est pas permis de te rebeller contre lui. Alors qu'en est-il si c'est en dessous de cela? Mais en vérité, il faut que tu saches que c'est la voix des Khawarij que ces gens-là, ils sont en train de revivifier depuis un bon bout de temps, malheureusement. Et ce n'est en rien la voix de Mohammed ibn Abdullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les sentiments. Tout musulman, dans son cœur, il a des sentiments. Et son cœur, il se serre quand il entend et qu'il voit ce qui se passe actuellement. Mais le musulman, ces sentiments-là, il ne se prononce pas par ses sentiments avant de les avoir pesés par la balance de la raison et d'avoir pesé sa raison avec la balance de la législation, avec la compréhension des ulama, surtout dans des sujets comme celui-ci, où dans lesquels il est question du sang des musulmans, de l'honneur des musulmans, du bien-être de la communauté musulmane. Il est impératif de revenir aux ulama dans ce qu'on appelle an-nawazil, les actes nouveaux qui arrivent, contemporains, qui se présentent à toi et qui ne sont peut-être pas connus avant cela. An-nawazil et également al-fitan, les troubles. Il faut revenir aux ulama pour connaître la position islamiquement légitime à adopter. Et le fait de se rebeller contre les gouverneurs, ça comprend de nombreux méfaits et de profonds maux qui sont bien plus grands que la dureté qui réside dans le fait d'endurer face à une éventuelle injustice. Et la réalité et l'actualité, c'est le meilleur des témoins. Regardez les peuples qui se plaignaient auparavant. Et regardez leur situation actuelle. Le sang qui a coulé, les honneurs qui ont été bafoués à cause du fait de n'avoir pas suivi la méthode prophétique pour traiter ce genre de problème-là et pour résoudre ce genre de trouble. Wallahu al-musta'an. Et ici, donc, ça nous amène vers un point important. C'est qu'il n'est pas une condition pour que le gouverneur soit légitime qu'il soit exempt de toute erreur. Il n'est pas une condition pour que le gouverneur soit légitime qu'il soit exempt de toute erreur. Et tu ne trouveras pas, après les messagers, alayhimu salam, et après les califes bien guidés, tu ne trouveras pas de gouverneur qui ne se soit pas trompé et qui n'ait pas commis une ou plusieurs erreurs. Ce n'est donc pas une condition pour qu'il reste légitime, qu'il soit exempt de toute erreur. Mais on a dit que tant qu'il est musulman, qu'il ne sort pas de l'islam, à ce moment-là, tu lui dois l'obéissance. Tu lui dois l'écoute et l'obéissance. Cela ne signifie pas qu'il ne doit pas être conseillé. Cela ne signifie pas qui ne doit pas être conseillé. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté par Muslim, d'après Tamim ibn Aws ad-Dari, il a dit: la religion, c'est le conseil sincère. Ad-dinun nasiha. La religion, c'est le conseil sincère. Les compagnons lui ont posé la question: envers qui, ô messager d'Allah? Il a dit: envers Allah, vis-à-vis d'Allah, de son messager, de son livre, pour envers les imams des musulmans et leur masse, c'est-à-dire la masse des musulmans. La religion, c'est le conseil sincère. Tu te dois donc d'être de bons conseils, d'être de conseils sincères envers les imams de la communauté, envers les gouverneurs. Comment être de conseil sincère? C'est la personne qui a la possibilité de conseiller, il le fait en privé. Il le fait d'une manière qui ne va pas haranguer les foules, qui ne va pas soulever les foules, qui ne va pas semer l'animosité envers ce gouverneur dans le cœur des musulmans. Mais son but, c'est quoi? Son but, c'est de réformer, de participer à la réforme. S'il a la possibilité de s'adresser directement, ou par courrier, ou par un intermédiaire, il le fait. Il le fait, il essaie. Il fait son possible. Mais il reste dans la manière légiférée de conseiller un gouverneur. Et c'est là que rentre, ou qui est pris en considération le rôle des ulama. Les ulama qui conseillent justement les gouverneurs, qui leur adressent des conseils, qui les orientent, qui les assistent, qui les épaulent. Et c'est le cas, walillah alhamd, des ulama de la sunna. Et c'est de cette manière-là que nous avons connu les ulama de la sunna. Et les ulama de la sunna n'ont pas besoin d'aller crier sur tous les toits qu'ils ont conseillé un tel ou un tel parmi les gouverneurs. Au contraire, le conseil sincère, c'est que tu le fasses d'une manière qui est réellement du conseil. Surtout quand tu parles du sujet des gouverneurs. Et c'est pour ça que tu trouveras beaucoup de gens qui disent, ces gens-là, ce sont les porte-parole des gouverneurs. Ces gens-là, ce sont comme dit distributeurs des gouverneurs. Le gouverneur, il veut que les savants disent telle chose, alors ils le diront. Peut-être les ulama du faux et de l'égarement, mais les ulama de la sunna, walillah alhamd, ils ne sont pas comme ça, wallah. Mais lorsque l'ignorance vient se mêler à la malhonnêteté, tu entends ce genre de propos-là, ce genre d'accusation mensongère. C'est pour cela qu'il est très important de ne pas prêter l'oreille à ces gens-là qui cherchent à mettre la rancœur et la haine dans le cœur des musulmans vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de leur gouverneur. Et comme le disait à juste titre le Cheikh Sulaiman al-Ruhayli, hafidhahullah, il disait, sachez qu'une personne, si elle cherche à vous écarter et à vous éloigner de vos gouverneurs ou de vos savants ou de vos parents et à mettre dans votre cœur de l'animosité vis-à-vis de ces trois catégories de personnes-là, sachez que cette personne-là vous veut du mal et veut vous égarer. Et c'est la réalité, wallah. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant lorsque des personnes te parlent. Et n'hésite pas à quitter la discussion, n'hésite pas à fermer tes oreilles, à boucher tes oreilles. Car le cœur, il tourne vite. Et les sentiments parfois peuvent t'avoir. Et tu peux apporter foi au propos d'une personne sans te rendre compte que c'est un menteur. Et ainsi, retrouver dans ton cœur de l'animosité envers des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné d'aimer et de respecter. Un autre point à aborder ici, après qu'on ait mentionné les droits obligatoires que les gouvernés doivent à leur gouverneur, Il est important également de mentionner quelles sont les fonctions du gouverneur. Quelles sont les fonctions du gouverneur? Parmi les fonctions du gouverneur, il y a la désignation des responsables. C'est à eux donc de désigner les responsables dans chaque domaine. Dans chaque domaine du gouvernement. Et de déléguer donc les gens qui sont aptes à prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc c'est parmi les fonctions du gouverneur. Et en contrepartie, ces gens-là qui sont désignés, ils ont l'obligation de respecter les responsabilités octroyées par le gouverneur. Et d'être fidèles dans cela. Et d'être de bons conseils dans le sens où ils mettent en application ces choses-là dans le bien, dans le convenable, afin de concourir au bon fonctionnement du pays. Également, parmi les fonctions du gouverneur, il y a l'organisation de la lutte dans le sentier d'Allah. Al-jihad fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah, donc il a la lutte dans le sentier d'Allah. Comme toute adoration, donc ça a des conditions. Et c'est régi par des conditions, par des règles. Parmi ces règles-là, le fait que ça soit avec un imam qui dirige cette chose-là. Et ça fait donc partie des fonctions des gouverneurs que d'organiser cela. On peut également citer, troisièmement, la mise en place de l'ordonnancement du bien et de la réprobation du mal. Al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Le fait d'ordonner le bien et de réprouver le mal, qui fait partie des grandes bases de cette religion. Et fait partie donc des fonctions du gouverneur que de mettre en place cette chose-là et de veiller à ce que cela donc soit mis en application. Quatrièmement, le jugement entre les gens par la justice et le règlement des litiges et la punition des injustes et outranciers et criminels. Le jugement entre les gens par la justice et le règlement des litiges et la punition des injustes, outranciers et autres criminels. Et cinquièmement, on peut citer la préservation de la sécurité et la punition de ceux qui la menacent. La préservation de la sécurité et la punition de ceux qui la menacent. Donc ce sont de lourdes responsabilités qu'endosse le gouverneur. Et c'est quelque chose qui doit être pris en compte par les gouvernés. Il faut qu'ils aient à l'esprit la lourdeur de la responsabilité de leur gouverneur. Et qu'ils doivent plus être aidés que critiqués. Assistés, soutenus que dénigrés. Et que si la personne elle veut concourir à ce que ces choses-là soient concrétisées, alors, il faut qu'elle participe comme elle le peut, à son échelle, à son niveau, afin de participer au bien, et donc que chacun s'entraide à ce que les choses se passent pour le mieux, et que ces fonctions-là soient remplies par les gouverneurs. Autre point qu'on peut citer, et qui a été cité donc par le Cheikh Saleh Al-Fawzan dans sa conférence, ça concerne le dénigrement du gouverneur. Et il est clair que le fait de dénigrer le gouverneur musulman, c'est quelque chose qui est strictement interdit en religion. Dénigrer, rabaisser ou encore minimiser de l'importance du gouverneur, que cela soit fait par la bouche ou par les actes, et également par le cœur. et également par le cœur. Il est strictement interdit de dénigrer, rabaisser ou de minimiser l'importance du gouverneur. Que cela soit fait par la bouche, par les actes ou même par le cœur. La personne, elle se tait, elle n'agit pas, mais dans son cœur, elle a cette chose-là, ce dénigrement, ce mépris, le fait de rejeter la légitimité du gouverneur. Tout cela est quelque chose d'interdit. Et il a été rapporté donc des salafs que certains d'entre eux disaient, celui qui dénigre le gouverneur, Allah l'humiliera. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous en préserve. En effet, le respect du gouverneur, ça revient à respecter l'islam et les musulmans. Respecter le gouverneur, ça revient à respecter l'islam et les musulmans. Il a été rapporté de manière authentique par Abu Daoud, Tirmidhi et Ibn Majah, le fameux hadith de Al-Irbad ibn Sariya, dans lequel Al-Irbad ibn Sariya a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a accordé une exhortation éloquente qui a fait frémir les cœurs et pleurer les yeux. Et nous lui avons alors dit: ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Accorde-nous donc une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: je vous recommande la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous gouverne, même si celui qui prend le dessus sur vous et qui vous gouverne est un esclave abyssin. Étant donné que celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés. Mordez-y à pleines dents. Et méfiez-vous des choses nouvellement inventées, car toute chose nouvellement inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Donc tu retrouves ici l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Et tu retrouves ici la légitimité du fait, ou la légitimité du gouverneur qui aurait pris le pouvoir par la force. Qui aurait pris le pouvoir par la force. Et également donc l'obligation d'écouter et d'obéir. Et également, tu retrouves dans ce hadith-là le fait que n'est pas considéré dans ce chapitre-là, dans ce domaine-là, dans cette question-là, la personne selon son physique ou sa lignée. La personne selon son physique ou sa lignée. Mais ce qui est pris en compte ici, c'est le fait que c'est un gouverneur légitime, et à partir de cela, nous lui devons l'écoute et l'obéissance. Et le fait de critiquer les gouverneurs, donc les critiquer par la parole, ça contient de nombreux et innombrables méfaits. Et c'est là le début en vérité, c'est là l'introduction, les prémices de la rébellion. La rébellion, elle commence comment? La rébellion par les armes. La rébellion par les armes, elle commence par des gens qui viennent et qui sèment l'animosité contre le pouvoir en place, contre le gouvernement en place, dans le cœur des musulmans. Et ensuite, tu as des gens qui vont plus loin et qui se rebellent avec les armes. Et tu trouveras que bien souvent, les gens qui critiquent et qui font se soulever les peuples contre leurs gouverneurs, ce sont les derniers. Ce sont les derniers à se mettre en danger. Et ce sont les derniers à venir sur le front. Ils sont là uniquement pour attiser, pour inciter les gens au mal, pour les exciter, puis les délaissent. Et ce sont les derniers à se présenter face au danger. Et c'est ce qui montre justement le leur manque de sincérité et de véracité et d'amour pour le bien. Car si ce qu'ils disent était vraiment un bien, pourquoi ne s'empressent-ils pas, eux, de le mettre en application? Et il faut savoir que dans tout cela, la personne doit prendre en considération une règle générale dans la religion qui est connue, c'est que l'intérêt général, il prévaut sur l'intérêt particulier. Et que même si la personne, elle a subi une injustice dans sa personne à elle, la concernant, ou concernant elle ou ses proches, il faut, si elle est sensée, raisonnable et véridique, il faut qu'elle prenne en considération l'intérêt général, et non pas son propre intérêt à elle. Et le musulman véridique, qui est soucieux de l'état de sa communauté, il est en vérité, il est prêt à subir des préjudices pour cela. Ne serait-ce que pour que la communauté dans son ensemble soit dans l'harmonie et la sécurité. Même si pour cela, il doit subir des préjudices. Et il doit endurer des préjudices. Afin que cela se concrétise. Car il fait passer l'intérêt général avant l'intérêt de sa propre personne. Et il faut être au courant du caractère crucial de ce comportement, surtout en temps de trouble. Surtout en temps de trouble. Car c'est pendant les périodes de trouble que toutes ces choses-là sont mises à la surface. Que tous ces problèmes sont mis à la surface. Et que la personne peut se retrouver à être incitée à agir sur le champ. Et si elle n'a pas un minimum de raison et de recul, elle peut tomber dans ces choses-là. Donc il faut bien qu'elle soit au point à ce niveau-là, afin que lorsque se présentent les troubles, les tentations, les dissensions, les problèmes, qu'elle sache comment agir et réagir. Surtout lorsque tu vois le grand nombre de prêcheurs du faux qui se présentent, que ce soit sur les manabir, que ce soit à Internet, sur Internet, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, tu trouveras que ces gens-là, ils sont mis en avant et qu'ils utilisent tous les moyens possibles et imaginables pour faire se propager leur faux, pour faire se propager leur égarement. Ils utilisent tous les moyens possibles. Internet, avec tout ce que ça contient. Facebook, YouTube, Twitter et compagnie. Les sites, les forums, la télévision, la radio, le papier, les journaux. Tu trouveras qu'ils utilisent tout ce qui est à leur disposition pour propager cela. Donc il faut être prémuni. Il faut se prémunir avec la connaissance, avec le savoir authentique tiré du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Il faut savoir, avoir le réflexe de revenir aux ulama afin de savoir comment agir. Sachant que ce sujet-là, en vérité, c'est un des fondements parmi les fondements de la Sunna. C'est un des fondements parmi les fondements de la Sunna. Et que la personne, donc, dans ce sujet-là, elle peut s'égarer et sortir de la Sunna. Et se retrouver dans le rang des Khawarij. Qu'elle s'en rende compte ou pas. Qu'elle approuve ou qu'elle réprouve. Ce qui est pris en compte ici, ce sont les paroles et les actes. Et également ceux qui reflètent justement ce qu'il y a dans le cœur. Prenons exemple des compagnons qui parfois, pour certains d'entre eux, ont vécu à l'époque de certains gouverneurs qui commettaient certaines formes d'injustice. Ils ont continué à écouter et à obéir dans le bien, sans les suivre dans le mal qu'ils ordonnaient. Prends l'exemple de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui a subi et qui a enduré une épreuve très dure. Lorsque les Mu'tazila ont commencé à propager la croyance du fait que le Coran est créé. Les Mu'tazila étaient d'avis que le Coran est créé. Ils ont commencé à propager cela. À tel point qu'un État s'est formé sur cela. Et que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a été persécuté, a été torturé, parce qu'il persistait à dire que le Coran, c'est la parole d'Allah qui n'est pas créée. Et le gouverneur donc, le gouvernement en place l'a persécuté pour cela. Malgré qu'il était persécuté, torturé, tu trouves qu'il n'a pas cessé d'écouter et d'obéir. Il n'a pas cessé d'écouter et d'obéir. Et lorsque certains de ses élèves et certains ulama, parmi les ulama qui lui étaient contemporains, sont venus le voir et lui ont dit « Oh imam, ya Abu Abdillah, ne vois-tu pas la situation à quel point elle est arrivée ?» Dans le sens, il voulait dire, n'allons-nous pas agir, n'allons-nous pas nous rebeller. L'imam Ahmed, bien qu'il avait subi ce qu'il avait subi, il a vu l'intérêt général et il a vu la conformité au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et il leur a dit non, il leur a interdit. Il leur a interdit de se rebeller et il les a incités à écouter et à obéir. Il les a incités à écouter et à obéir jusqu'à ce que le secours vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui pourrait endurer ce que l'imam Ahmed a enduré? Qui peut comparer les préjudices qui peuvent être subis actuellement avec ce qu'a subi l'imam Ahmed? Malgré tout, l'imam Ahmed, il regardait avec le regard de la législation. Et il regardait également avec le regard d'une personne véridique, d'un musulman véridique, d'un savant véridique, qui prend en compte l'intérêt général avant son propre intérêt. Et qui se limite à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, et qui a été transmis par son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Également, il a pris en compte le fait que d'endurer un mal afin d'éviter des maux multiples, ça fait partie de la sagesse. Tu endures un seul mal, même s'il est prononcé, afin d'écarter plusieurs maux, ça fait partie de la sagesse. Et je terminerai donc avec ce par quoi a terminé le shir. Salih al-Fawzan, Hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, à savoir donc l'importance d'éclaircir et de propager la position authentique dans ces sujets-là, et de conseiller ceux qui s'y trompent, et mettre en garde contre ceux qui propagent l'égarement dans ce domaine. Il faut, mes frères, il faut propager ces choses-là, propager les travaux des ulama, qu'ils soient audio ou écrits, les propager dans vos familles, à vos proches, afin que les musulmans soient au point à ce niveau-là et soient au courant. Et ne minimise pas ton rôle, car sache que c'est par la réforme de toi-même que tu vas concourir à la réforme de ton foyer. Et par la réforme de ton foyer, la réforme de ta famille. Et par la réforme de ta famille, la réforme peut-être de ton quartier, qui sait. Et peut-être que par la réforme de ton quartier, ça va être la réforme de ta ville. Et ainsi de suite. Donc ne minimise pas le bien. Ne minimise pas le bien et essaie de concourir comme tu le peux afin de propager cette chose-là de la meilleure des manières. Expliquer à celui qui s'est trompé. Conseiller celui qui s'est trompé, le rappeler à la vérité. Quant aux têtes de l'égarement, mettre clairement en garde contre eux avec science et justice. Avec science et justice. Pas seulement en faisant du bruit, mais en montrant la vraie position de l'islam, la réelle position de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces sujets-là, en propageant les paroles des ulama, les mises en garde qu'ils ont faites contre ce type de personnes-là, afin que les musulmans soient sur leur garde vis-à-vis de ces imposteurs. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et maintenant, on va essayer de lire avec le temps qui reste. Il reste combien de temps? Combien? 12 minutes. On va essayer de lire quelques fatwas, quelques réponses qu'a donné le Shir Al-Fawzan à la fin de cette conférence. On va peut-être pas toutes les lire. J'en ai sélectionné quelques-unes. Et le temps peut-être ne nous suffira pas pour tout lire. وما لا يدرك كله لا يترك كله. Ce que tu ne peux pas atteindre en entier, tu ne le délaisses pas non plus complètement. La question lui a été posée. Il lui a été dit qu'il y a des gens qui disent qu'il n'est pas permis de mettre en application le hadith qui blâme les khawarij sur ceux qui sortent pour les manifestations de nos jours contre un gouverneur particulier. Et également, il a dit, il y en a qui décrivent les manifestations comme étant en vérité qu'un mouvement pacifiste. Et que seuls les gens de l'innovation réprouvent ces choses-là, réprouvent les innovations, réprouvent les manifestations. Donc ça, c'est dans la question. Et le Shir donc a répondu, Hafizahullah, il a dit les manifestations, elles ne font pas partie de la religion de l'islam, à cause de ce qu'elles contiennent comme mots, et du fait qu'elles concourent à ce que la parole des musulmans se perde, et également elles concourent à diviser les musulmans, avec également ce qu'elles contiennent comme destruction, et comme effusion de sang, et comme mots profonds, qui lui sont inhérents. Et les manifestations ne sont pas une solution authentique est correct au problème. Plutôt, la réelle solution, c'est de suivre le Coran et la Sunna. De suivre le Coran et la Sunna et de savoir que ce qui s'est passé dans le passé, comme trouble et fitane et dissension, c'est bien plus nombreux et grave que ce qui se passe actuellement. Que ce qui se passe actuellement. Donc ce qu'il convient de faire, c'est de traiter ces problèmes-là à la lumière de la législation, pas à la lumière des lois mécréantes et par les manifestations qui sont importées et qui ne font pas partie de la religion de l'islam. Et le désordre, de manière générale, ne fait pas partie de la religion de l'islam. Étant donné que la religion de l'islam, elle appelle à l'organisation et elle appelle à l'endurance, de même qu'elle incite à la sagesse et également elle incite à renvoyer les choses vers les gens qui sont aptes à les comprendre et à prendre des décisions les concernant. Et également aux ulama. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate An-Nisa, fa in tanaza'tum fi shay فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Et si vous divergez dans une chose, renvoyez-le à Allah et au messager, si vous êtes réellement croyant à Allah et au jour dernier. La question a également été posée au Cheikh Al-Fawzan. Il lui a été dit, est-ce que si une personne bénéficie d'un imam et qu'il a été désigné pour être imam, est-ce qu'il est réellement imam et qu'il dispose des droits de l'imam ou est-ce qu'il est obligatoire de consulter la communauté afin qu'il bénéficie de ces droits-là? Le cheikh a répondu, il a dit, Abu Bakr Siddiq, il a désigné Omar comme gouverneur, et son imam a incombé, donc l'acceptation de son imam a incombé à l'ensemble de la communauté. Et aucun parmi les compagnons n'a été en opposition avec cela. Plutôt donc, la gouvernance lui a été accordée par décision donc d'Abu Bakr. Et la Ummah, la communauté, a suivi son gouverneur et ses gouverneurs dans cela. Et ils ont également suivi les gens qui sont aptes à décider, étant donné qu'il ne revient pas à tout le monde de s'introduire et de se mêler de ces affaires-là, c'est-à-dire des affaires donc de la gouvernance de la communauté. Et c'est ainsi donc qu'Omar, par la suite, il a gouverné et il a guidé la communauté de la meilleure des manières. De la meilleure des manières. Et il n'appartient pas au commun ni au sous-fifre de s'occuper de tout ce qui a trait à l'allégeance. En effet, les gens du commun suivent dans cela leur ulama et leur gouverneur. La question a également été posée au Shir, à savoir donc, si jamais un gouverneur accepte que des manifestations soient menées dans son pays, étant donné qu'il considère que ces manifestations permettent de concrétiser certains intérêts ou certaines finalités, certains objectifs qu'il vise. Est-ce que cela fait de ces manifestations quelque chose de légiféré? Et le Shir a répondu, Hafidhahullah, il a dit, le gouverneur musulman qui suit ou qui marche, qui évolue donc à la lumière de la législation, n'est pas possible, en vérité, qu'il accepte les manifestations. Étant donné que seul quelqu'un qui prend en considération les lois humaines peut accepter cette chose-là. Il n'est donc pas permis de considérer ces manifestations-là, étant donné qu'elles ne sont en rien dans l'intérêt de l'islam, ni dans l'intérêt des musulmans. La question a également été posée, il lui a été dit, est-il permis aux policiers d'écouter et d'obéir dans l'interdiction des manifestations et des marches qui sont faites, qui peuvent se passer, qui peuvent avoir lieu dans certains pays, parmi les pays des musulmans? Et le Shir a répondu oui. Il dit, ceci fait partie des fonctions des policiers d'empêcher que soient menées à bien ces manifestations-là, étant donné qu'elles renferment un danger pour la société, et également un danger pour la gouvernance, et un danger pour les musulmans. Cela fait partie de leur fonction et de leur mission, qu'ils respectent et qu'ils accomplissent et qu'ils mènent à bien cette chose-là, à savoir donc le fait d'interdire ces manifestations-là. Cependant, il ne leur appartient pas d'agresser quiconque, qui que ce soit. Plutôt donc, ils doivent interdire le mal de se faire, et ils doivent également interdire et empêcher que soient transgressées les limites. Également, la question a été posée, il lui a été dit, est-ce que le lien entre le gouverneur et son peuple est un lien de pacte et de délégation? À tel point que si le gouverneur venait à ne pas respecter le pacte, alors il serait permis de se rebeller contre lui et de l'enlever. Est-ce que cela fait partie de la sunna? Le Shir a répondu, ces propos-là sont des propos nuls et non avenus, caduques, faux. Il n'y a personne qui a dit cela auparavant, à savoir que le gouverneur est juste un délégué. Et cela ne fait pas partie des propos des gens de science. et ne bénéficient d'aucune preuve du Coran, du livre d'Allah, ni de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est plutôt une parole qui est innovée, ou plutôt, pour être plus précis, qui est importée. En effet, le gouverneur, ou Wali al-Amr, c'est-à-dire celui qui est chargé des affaires des musulmans, c'est un gouverneur. Et ce n'est pas juste un délégué. Il lui revient donc l'écoute et l'obéissance, peu importe ce qui émanera de lui comme transgression, tant que ça n'arrive pas à de la mécréance. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné ce qui pouvait se manifester comme injustice ou comme perversion de la part de certains gouverneurs, il lui a été dit, c'est-à-dire certains compagnons lui ont dit, n'allons-nous donc pas les combattre? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu non, tant qu'ils accomplissent parmi vous la prière. Et dans une version, non, tant que vous ne voyez pas une mécréance claire à propos de laquelle vous bénéficiez d'un argument de la part d'Allah. Et le shir donc de continuer en disant, et ceux qui considèrent ces choses-là, ce sont les ulama et les gens aptes à décider, ce ne sont pas les racailles, ni les gens de la passion, ni les gens du commun. Plutôt ceux qui regardent ces choses-là, ce sont ceux qui sont aptes à les considérer correctement et légitimement, islamiquement parlant bien sûr. Taïb, dernière question avant l'adhan. La question a été posée, quelle doit être la position face à une personne qui fait les éloges des Khawarij et qui les défend et qui les décrit comme étant des réformateurs et qui se tait sur leurs innovations et sur le fait qu'ils excommunient et qu'ils pratiquent l'anathème sur les musulmans? Et le shir a répondu, il a dit, celui qui prend la défense des Khawarij et qui fait les éloges de leur voix est en vérité un Khawariji comme eux. Et sa valeur et son statut est le statut des Khawarij. Étant donné qu'il a agréé et qu'il a accepté leurs paroles, alors à ce moment-là, on se comporte avec lui comme on se comporte avec les Khawarij et on met en garde contre lui. Et on reprend après l'adhan, inshallah. N'éteins pas, juste. Parmi les questions qui ont été posées également au Shir Al-Fawzan, à la fin de cette conférence donc intitulée Al-I'lam bi kayfiyati tansib al-imam fi l'islam, il y a la question, est-ce que la base de l'écoute est l'obéissance? Et un échange entre le gouverneur et le gouverné. À tel point que si il nous donne notre droit, nous l'écoutons et nous lui obéissons, et si jamais il nous l'interdit, nous en prive, nous ne l'écoutons plus et ne lui obéissons plus. Et le shir a répondu en disant, si jamais il nous prive de notre droit, quant à nous, nous allons endurer. Nous allons endurer cela. C'est-à-dire ce droit qui nous revient et dont nous sommes privés. Mais nous n'allons pas nous rebeller pour autant. Étant donné que dans ce comportement-là, c'est-à-dire le fait de ne pas se rebeller, il y a l'union de la parole des musulmans. Et également le fait d'écarter un danger plus grand que le méfait que contient le fait de ne pas bénéficier de notre droit. Car ce droit-là, c'est un droit qui est partiel. Et le droit général, il n'est plus en droit d'être recherché que le droit qui est partiel. Et cette chose dans la vérité, c'est quelque chose de très clair. Cependant, les gens des passions, ils recherchent des choses et des issues fausses. Il est donc obligatoire d'être méfiant quant à ces choses-là et à ces ambiguïtés. La question a été posée au Shir, il nous a été dit, il en est qui appellent à la rébellion et qui disent que la rébellion et que le fait de sortir de la Jama'a, dire le groupe des musulmans, ce n'est pas avec des manifestations ou en donnant juste simplement son avis, mais en vérité, la véritable rébellion qui a été sujette à une mise en garde dans la religion et qui a été blâmée dans la religion, c'est la rébellion par les armes. Le Cheikh a répondu, il a dit, la rébellion elle est de plusieurs types, de plusieurs sortes. Il y a la rébellion par la parole. Et si une personne, elle incite à la rébellion par la parole, alors c'est également une forme de rébellion, même si elle ne porte pas les armes. Et nous pouvons même dire que c'est encore plus dangereux que le fait de porter les armes. Car celui qui propage l'idéologie des Khawarij et qui incite à adopter cette idéologie-là, il est plus dangereux en réalité que ceux qui portent réellement les armes. Et également la rébellion peut être par le cœur. Si jamais la personne, elle n'a pas la conviction et la croyance que le gouvernement d'un tel parmi les gouverneurs musulmans est légitime et qu'il lui incombe de la respecter. Et s'il considère obligatoire de détester les gouverneurs, alors à ce moment-là, c'est une rébellion par le cœur et la croyance. Et la rébellion, elle peut avoir lieu, et elle peut être effective par le cœur et l'intention, comme elle peut l'être par la parole. Et la rébellion, elle peut également être effective par les armes. Et tout ce qui a précédé, à savoir comme conviction et comme propos, ce sont en vérité les moyens qui mènent à la rébellion par les armes. Également, la question a été posée à Cheikh Al-Fawzan, il a été dit qu'il y a certaines personnes qui prétendent que la base de l'écoute et de l'obéissance est une croyance politique que les gouverneurs ont instaurée à l'époque des salafs afin de préserver leur gouvernement. Quel est donc l'avis ? Quel est donc votre avis à ce sujet-là ? Le Cheikh a répondu, Ya Subhanallah, pureté à Allah. N'y a-t-il pas dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul, wa ulil amr minkum, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et à ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. N'y a-t-il pas dans la sunna, عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. Je vous recommande donc la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui prend le dessus sur vous est un esclave. Est-ce que cela relève de la politique des gouverneurs? À moins que cela ce soit plutôt la politique de la religion, de la législation islamique, et que ça fasse partie de ce qui a été établi dans le Coran et la Sunna. Et en réalité, dans les propos qui ont été soutenus et qui ont été rapportés par le questionneur, le Cheikh dit, ça revient à attribuer ce faux aux salafs de cette communauté, qui sont les meilleurs gens de cette communauté et qui sont l'exemple et le modèle à suivre par cette communauté. Le Shir a également été questionné concernant ceux qui meurent pendant les manifestations alors qu'ils sont en train de se rebeller contre un gouverneur musulman. Et il a dit, cette personne-là, elle est fautive. Et son sort et connu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, nous nous permettons de dire qu'elle est fautive. Et son sort donc relève d'Allah subhanahu wa ta'ala. La question lui a été posée, il lui a été dit, il a été attribué aux deux imams, Ibn Hajar et An-Nawawi, qu'Allah leur fasse miséricorde, le fait qu'ils aient commenté le hadith, qui fait donc état de l'obligation de l'écoute et de l'obéissance au gouverneur, dans lequel il est dit « Wa in jalada dhahrak aw akhadha wa akhadha malak » même si il fouette ton dos et prend ton argent. Il aura été attribué, donc ils ont commenté ce hadith, en disant que ce qui est voulu par ce hadith, c'est le fait qu'un calife, qui à la base est juste, s'en soit pris à une personne en particulier. Il incombe donc à cette personne en particulier d'endurer afin de ne pas provoquer la fitna et les troubles. Le sûr a répondu et il a dit, c'est là, ça revient à expliquer le hadith par autre que le sens qu'il implique. Et celui qui explique le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam et le sort de son sens, en vérité, il y a dans son cœur une passion. Et il cherche à expliquer le hadith selon sa passion, selon son penchant, selon la voie qu'il suit. Or, ce hadith, en l'occurrence celui qu'il a cité, ce hadith est général, walillah alhamd, louange à Allah. Et nous n'avons pas trouvé dans les propos de Nawawi et d'Ibn Hajar, lorsque nous y sommes retournés, ce qui leur a été attribué. Donc ici, le shir a répondu, par rapport à ça, donc il y en a qui ont dit, en vérité, ces hadiths-là, ils visent le cas où tu as un gouverneur qui est juste à la base et qui s'en prend à une personne en particulier. Et ils veulent dire par là, donc ils ne concernent pas les gouverneurs actuels. Et par là, donc, ils légitiment le fait de sortir contre eux en disant qu'ils ne sont pas considérés, ou excusez-moi, qu'ils ne sont pas concernés par l'obligation de les écouter et de leur obéir. Oui. La question a été posée, on va juste terminer sur ça. La question lui a été posée et il a été dit, il y a certains prédicateurs qui disent que le Cheikh Ibn Baz, il est mort et qu'il faisait les éloges et conseillait et recommandait le groupe des Tablir et le groupe des frères musulmans. Est-ce que ces propos-là sont authentiques? Et il a répondu, ces propos-là sont faux. Et nous, nous avons travaillé avec lui pendant plus de 10 ans. Et nous ne l'avons jamais entendu faire les éloges, si ce n'est les éloges des gens de la Sunna et du groupe Unis sur la Vérité. Et il appelait vers les gens de la Sunna et du groupe Unis sur la Vérité. Et il conseillait ceux qui avaient des fautes parmi qui faisaient partie donc des groupes, des autres groupes que le groupe des gens de la Sunna. Il est conseillé donc de revenir sur ces fautes-là, qu'ils fassent partie d'établir ou d'autres que. Et c'est cette chose-là que nous avons connue, ou que j'ai connue, de mon shir, le shir Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Également, la question lui a été posée. Est-ce que les conditions qui ont été mentionnées par les fuqaha, les savants donc du fiqh, concernant l'imam, hein, comme par exemple la science, la justice, ainsi de suite, et la capacité, est-ce que ces conditions-là sont des conditions de perfection ou des conditions de validité de l'imam? Là, dans le sens, est-ce que ces conditions-là qui ont été citées, c'est des conditions donc de perfection ou des conditions donc de validité de l'imam, dans le sens où si jamais elles ne sont pas présentes, alors l'imam n'est plus légitime. Et il a répondu, il a dit, ces conditions-là doivent être présentes selon les possibilités. Et celui qui se charge des affaires des musulmans, il est obligatoire de lui obéir dans le bien, même si toutes ces conditions-là ne sont pas réunis. Et enfin, c'est la dernière des questions qui a été posée au Shir. Il lui a été dit, est-ce que le hadith qui dit que le meilleur des djihad, c'est une parole de vérité auprès d'un sultan injuste, rend légitime les actes de ceux qui réprouvent et blâment et condamnent les gouverneurs dans les médias? Et le Shir a répondu, il a dit, le hadith dit, auprès d'un sultan, donc d'un gouverneur injuste, c'est-à-dire en lui parlant, en étant auprès de lui, en lui parlant. Et il n'a pas dit de le blâmer sur les manabir ou dans les rues. Mais plutôt, donc, ce qui est voulu par le hadith, comme c'est textuellement mentionné dans le hadith, c'est que ça soit fait donc auprès de ce gouverneur-là. Et Allah Jalla wa Ala, il a dit à Moussa et Haroun, fa'tiyahu. Il leur a dit, rendez-vous auprès de lui. C'est-à-dire auprès de Pharaon, auprès de Pharaon. Fa'tiyahu faqula lahu qawlan layyina. Rendez-vous auprès de lui et adressez-lui une parole douce. Et il n'a pas dit, annoncez dans tout le pays et dans les rues et lors des regroupements des gens, annoncez donc que vous le blâmez et que vous reprouvez ce qu'il fait, ce que fait Pharaon, ce que fait Pharaon. Et si c'est le cas donc pour Pharaon, qu'en est-il donc pour les gouverneurs des musulmans? Ils sont plus à même d'être respectés et que ne soit pas utilisé ce genre de méthode avec eux. Et c'est ainsi que se terminent donc ces questions-réponses de Cheikh Al-Fawzan. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين